Voici votre bulletin régional. Les 6, 7 et 8 février, à l'hôtel de ville Distinguis, c'est l'inscription pour le soccer. Au centre culturel de Whedon, le 7 février à 20h, on pourra voir l'auteur-compositrice-interprète Andrianne A. Mallette, une artiste issue de la QV 2012 de Star Academy. Le 7 février, au terrain de la patinoire de Sayreville, se tiendra le carnaval de Sayreville. À l'horaire, tournoi de hockey éponge, glissade, patinage libre, raquette au flambeau, premier départ à 18h, et feu de joie. On trouvera une cantine sur place.